Cette apparition est survenue du temps des empereurs byzantins, Anastase et Justin. Elle fut consignée par Agathia dans son livre. Les philosophes, Damanius, Simplicius, Eulamius, Diogène, Hermia et Isidore, avaient médité de quitter l'Empire et ils se retirèrent en Perse où régnait Chosaurès. Mais arrivés au pays du culte de Zoroastre, ils y trouvèrent le vice tellement en honneur, qu'ils en furent effrayés. Ils refusèrent les magnifiques offres du roi et revinrent chez eux. Ayant cheminé jusqu'au moment du soir, ils cherchèrent un abri pour la nuit quand ils aperçurent le corps d'un homme mort. Aussi ils lui firent donner sépulture par leurs serviteurs. Dans la nuit, un spectre à l'habit de philosophe s'approcha du lit de l'un d'eux et le réveilla en disant « N'enterre pas celui qui ne mérite pas, mais laisse son corps en proie aux chiens. La terre a horreur de celui qui n'a pas craint de souiller sa mère et la violer. Le jour vient, on se lève. Le philosophe qui a eu la vision la raconte à ses compagnons. En passant par le champ, ils trouvèrent le cadavre nu, là où ils l'avaient fait inhumer. La terre l'avait rejeté de ses entrailles. Telle était la corruption des Perses lorsque l'inceste même était pratiqué par les mages. À moins qu'il ne plaise à Dieu de vous envoyer quelqu'un pour vous instruire de sa part, n'espérez pas de réussir jamais dans le dessein de réformer les mœurs des hommes. » Platon, Apologie de Socrate. Le même philosophe, après avoir prouvé que la piété est la chose la plus désirable, ajoute « Mais qui sera en état de l'enseigner, si Dieu ne lui sert de guide ?» Platon, Épinomie.